Thank you. nous prions. Tukubondela. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, c'est un privilège pour nos âmes de nous approcher en cet instant de ton trône. Ton trône n'est pas un trône de la honte. Ce n'est pas un trône des échecs. Ce n'est pas un trône de désespoir. Ce n'est pas un trône pourvoyeur de maladies. Ce n'est pas un trône incertain. Ton trône est un trône de gloire, de miséricorde et de grâce. C'est là que nous puissions la vie et la protection, la domination universelle, la meilleure connexion pour être servi et pour aboutir. On a consommé pain, quel que soit les défis ou les besoins. Auprès de ton trône et en ton nom glorieux, toutes les forces nous sont soumises. Toutes les puissances sont dominées. Tous les liens sont brisés. Et la gloire perdue est restaurée. Les bénédictions volées sont ramenées. Satan est un imposteur. Tout ce qu'il fait, c'est intimider. Il n'a rien à nous donner, Seigneur. C'est en ton nom Jésus qui a fait. Et nous venons réclamer la rédemption. Nous réclamons le salut de l'homme. Nous réclamons la guérison de Christ. Nous réclamons la restauration de Dieu. Nous réclamons la bénédiction pour elle. Saint-Esprit du Dieu vivant. Amen. Nous les bénédictions. Arrache au diable tout le monde. Arrache au diable tout ce qui sont volés. Ils n'ont pas le droit de posséder ça. Nous sommes les enfants de ta maison. Et nous les ayons droit. Nous sommes les enfants de ta maison. Que les démons dégarpissent. Nous réclamons tous les territoires. Pour la gloire de Jésus-Christ. Son règne et sa domination. Délivre nos âmes. De tous les défauts, de tous les vices de caractère, de tout péché, de toute iniquité, de toute culpabilité. Déverse-nous la bénédiction rédemptrice. Et parle à chacun maintenant. Je te prie de prendre le contrôle. Tout ce que le diable a essayé de faire ce matin, pour échouer ce culte, pour alourdir cette réunion, pour embouter les gens, que cela soit démonique. Nous détruisons ces corps. Nous détruisons ces sièges. Pour que Jésus prenne le dessus. Et que la présence des enfants de Dieu soit bénie ici. Et toute présence des démons, qu'elle soit maudite. Les rodages du diable, que ce soit maudit au nom de Jésus-Christ. Que Jésus retire toute la gloire de cette réunion. Et que le projet du diable échoue. Nous le disons et nous le croyons. Car nous ne sommes pas venus pour nous-mêmes. Même pas parce que nous manquons à faire. Nous venons pour Jésus-Christ. Le même hier, le même jour Il avait toute autorité sur toute maladie. Il avait autorité sur tous les esprits impurs. Chaque infirmité. Et il est toujours disposé à communier avec ses fidèles. À traiter avec eux. Et à les conduire du mieux qu'il veut. Il a un plan merveilleux pour tout le monde. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux. Et pas nous renier maintenant. Ne pas tourner le dos à ses fidèles. Sur les fidèles. Nous avons dit qu'il est un Dieu d'alliance. Même si parfois nous avons des faiblesses, parfois nous nous montrons infidèles, Dieu garde son alliance. Il garde sa parole et il a dit, venez, plaidons ensemble, même si vos péchés sont rouges comme cramoisis, il est un peu plus blanc que la neige. Il a de quoi nous laver. Il a de quoi nous accepter dans sa vie. Je penserais que nous sommes indignes. Il y a le flot tiré de veines d'Emmanuel. Le sang de Jésus-Christ qui se tient encore là. Ezali na nwana. Comme expiation. Le kola mbondi. Et il agit encore. Nous allons lire la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don de miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Mpenzambe atie ba oyeboye kati na lingomba. Na liboso bantoma. Na mibale basakoli. Na misatu balakisi. Na sima basali na bikamuseni. Na sima babikisi. Na sima basungi. Mpe babungisi. Pe balobi na maloba ndenge na ndenge. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7 et le verset 9. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Verset 9. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, de condamner à mort en quelque sorte. Puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nzambi, nani azali kolongi sayo. Ozali na eloko nini oyo epesameli yo yangote. Soko opesameli yango, po nanini ozali de komiku misalokola ete, opesami ite. Mulongwa libwa, po ete na banzi ete, nzambe abinisi biso bantoma na suka na molongo. Lokola bato bakitisami ete bakufa ete tozala etalisali mpona mokili mpe mpona bange mpe mpona bato. Ephésiens chapitre 1er le verset 1er. Ba Efesa mokapo ya yambo molongo ya liboso. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ngai Paolo ntoma na Kristo Yesu, pona mokano na Nzambe, na komeli babula mi bazali na Efese, pe bandimi kati na Kristo Yesu. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Nzambe apambula botangi eloba na ye mosantu. Veuillez vous asseoir. Bokoki nde kovanda. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Totombeli bino boye malamu na mesa na nkolo. Pour poursuivre notre thème, comment éprouver un ministère de la parole. Ben, la matière de cela est déjà exposée. De début à la fin. Mais nous sommes dans une ramification de ce thème. Et nous avons parlé successivement, premièrement, de l'appel de William Branham. Et ça a été suivi d'un deuxième sujet, la première commission de William Branham. Et il a été suivi d'un deuxième sujet, la première commission de William Branham. Et Tindato Moussali Poussamela Kiboso Uliama Comprana. Par un troisième sujet, c'était la deuxième commission de William Gana. Et puis l'andama qui n'a maman al Kambomisatu et Zalakinde Tindato Moussala et Pesameli Ami Bale. Et dans le cadre de l'application de cette deuxième commission, le dimanche passé et le mercredi passé de cette semaine ici, nous avons parlé de William Branham identifié comme apôtre et prophète. En accord avec les deux commissions déjà exposées. Vous savez que dans la première commission, Dieu l'a comparé à un prophète, Jean-Baptiste. Et dans la deuxième commission, Dieu l'a comparé à un prophète, Moïse. Nous avons dit très clairement, même sans demander un grand discernement spirituel ou un grand niveau spirituel, on peut voir très simplement, même à l'école de dimanche, que Dieu ne compare pas pour rien. Même les hommes du monde disent, c'est ce qui se ressemble qui s'assemble. La bongo atako na kolukate ti ozala na boso solito musanda mulaye penza ya molimu ya kososola makambo ezali kumoni sama polele atako batya mokilo balobeti sokomoni batu ezali kotambule ngwe ezali ete basangani de par les deux commissions William Branham ne pouvait pas être, ne pouvait pas manquer d'être un prophète. Na misalami balaye pesameli William comprendre mais kokite koza ete za la boso kolo sa propre bouche n'a jamais dit qu'il était un prophète. Atako na munoko ya yemo kona na milo bila tete za boso kolo. Atako aux gens, il s'est jamais présenté comme un prophète. Atako komimoni sake pa batu. Il aimait être appelé frère Branham. Abanda ki kolingete ko bianga manaye de ko frère Branham. C'est cela. Malgré ça, Dieu a fait de lui ce qu'il a fait de lui. Et la Bible dit de lui ce qui était prévu de lui. Et les enfants de Dieu aujourd'hui découvrent en lui ce que Dieu avait prévu de lui et ce que Dieu a dit de lui. Alors, le jeudi et le vendredi, nous avons pris une autre pensée de méditation. C'était le discernement prophétique et apostolique. Discernement prophétique et apostolique. Nous avons rappelé ce qui est connu d'ordinaire. Quand on parle généralement du discernement, on dévoile les secrets. Dans le monde populaire de manière générale, c'est attribué au prophète. Même Simon le pharisien, dont nous avons lu l'histoire, un extrait de récit, le jeudi, connaissait aussi ça comme ça. Un homme, quand il est prophète, il connaîtrait les secrets des cœurs, il peut connaître les identités des gens, sans qu'il ait besoin que qui que ce soit leur en témoigne. Na bongo atako wotu tanga kilisolo ya Simon na Mufarisai ayebaki ango pe bongo ite mutu oyo yakoki komona sekele ya motema toko yeba mutu na mubimba na ye atako muta yiriche likambote ezali bobele mosakoli. Et nous avons aussi rappelé parce que dans la commission du 7 mai 1946, deuxième commission de France, lui a annoncé deux signes comme il avait, Dieu avait donné deux signes au prophète Moïse d'autrefois. Et le premier signe était relatif à la guérison divine. C'était le signe de Salamin. Et ce que Frère Branham a eu appelé plus tard le premier pôle de son ministère. C'était le signe d'Alamin, la guérison divine, pour attirer l'attention des gens au message qui allait suivre. Et représenter que Dieu a quelque chose à communiquer aux gens. Et le signe là dans la main, partant de l'année 1946. La deuxième commission. Il appelle premier pôle de son ministère. Pôle veut dire attraction. Donc la première chose que Dieu a utilisée pour attirer les gens. Et là, le ministère qu'il avait établi là. C'était le premier signe là. Et maintenant, le deuxième signe qui est que l'ange a annoncé dans cette commission. 1946. Il est moins mibale au moins genou. Il dit que nous salons et mibale à Sambou Moukolo, sans rien, mais tant de mouvements continuent à être sincères. Mais ce qu'on n'utilise pas tes propres paroles, il arrivera que tu connaîtras les secrets de leur cœur. Et ce deuxième signe là, c'est ce qui s'appelle le discernement prophétique. Il est moyen mi balé wanende biangamete boso soliuta nanzela ya mosakuli. Et ce deuxième signe annoncé par l'ange dans la deuxième commission. Il est moyen mi balé sakola mina monje na mosala ya balé. Le prophète William Branham appelle couramment le deuxième pôle de son ministère. Mbe oyo mosakuli Branham azali kobiangete pôle ya mi balé te ko benda ma mi balé mosala. Attraction. Ko benda ma oyo mi balé. Et l'ange avait dit au prophète, moi je me remarque dans mon sacoli, que si ne te croyais pas à la voix du premier signe, ils te croiront à la voix du deuxième. Et il lui a dit, si tu es sincère, et que tu continues à prier, pour les malades, rien ne résistera à tes prières, et le côté, même pas le cancer. Et le côté côté le mena mabon de l'eau. Attaque maladie, il y a cancer. Si tu amènes les gens à te croire, et que toi tu es sincère, en priant, rien ne résistera à tes prières. Et le côté côté le mena libon de l'ina yo. Même pas le cancer. Attaque maladie, il y a cancer. Or pour amener les gens à le croire, Dieu lui a donné des signes. Parce que lui-même ne voulait pas partir, sachant qu'il était presque un analphabète, un élève de niveau primaire. Il n'a terminé que la formation fondamentale, là, les 6 années d'école primaire. Quand il a commencé le premier CO, il n'a même pas terminé l'année. Donc, William Branham était un primérien. Il a fait comme document scolaire académique, c'est le certificat d'études primaires. Imaginez comme vous là. Certificat d'école primaire. Avec ça, qu'est-ce que vous pouvez espérer dans la vie? Et si même certains gradués de certaines facultés, je ne cite pas les noms pour ne pas vexer les gens. Ce qui a été fait, c'est que vous avez dit que mais pour louer les deux bouts du mois, ils sont des wewa. Gradués d'institut supérieur. Un diplôme et gradué. Mais wewa pour organiser sa vie, pour gagner sa vie. On a colonga na bomo na ya comme wewa. Un primaire. Bon moment à classe. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Et là pour nini? Lui-même William Branham dit. Dans le monde, système actuel des choses, si vous voulez avoir la réussite du côté financier dans votre vie, vous devez étudier et beaucoup étudier, augmenter les niveaux. Ce que l'on dit, c'est que c'est que non pas parce qu'il aurait voulu ni souhaiter, mais parce que son père était un ivrogne, un contrebandier d'alcool. Et bon nombre de ceux-là sont des irresponsables. Il donne priorité à acheter un casier de bière, boire, se saouler, se satisfaire, et d'aller s'occuper de payer les minerais des enfants, avoir la tête cassée, on a chassé la fin de l'école. Il n'aime pas ça. Ce dérangement-là, il n'aime pas. Il préfère prendre sa bière, tout ça, il prend. Il se met à crier sur les enfants comme on crie sur les souris. Allez, toi, la sors ! Hé, ne viens pas ici ! Et tout, sous effet d'alcool. Alors après, si ma enfant essaye de réclamer quelque chose, Parce que je n'ai pas battu. C'est tout. Ici. Alors, c'est le genre de papa que frère Branham a dit. Ndé le lenga tata oyo Branham ndeko Branham azaki nango. Pour cracher des insultes. On a confié la négative, négative, c'était pas ngela bana makambo mabe. Toi tu es une pourrie toi. Yo zali soso ta pour. Marionnette. Yo zali le côté. Branham a entendu de tout. Branham yo kapenza yango ya tata na. Tu es une fille ton garçon. Yo zali mwana mwasi bon mbali yo zaboyi. papa de Branham. Tata ya Branham. Oui. Quand il devait aller à l'école, ce gars-là n'y a qu'un dans la classe. Avec un sac de dernier niveau. Et les gens se moquaient tellement de lui. Les condisciples des classes. Il est venu. Il avait tellement honte. Quand lui vient, après c'est une chemise qui n'est pas repassée. Des fois, un peu déchiré derrière. Et dès qu'il s'assoit, c'est tous les regards sur lui. C'est lui là. Sujet de moquerie. Sujet de raillerie. Un papa qui n'était pas responsable. Tata Oyo, a l'ingagité comme maman. Ce n'était pas son problème. Et ça qui dit comme bonayote. Voilà. Mais ces choses filent de la terre. Et ça qui dit comme bonayote. Auxquelles même sa propre famille n'ont pas donné de valeur. Et ça qui dit comme bonayote. C'est ces choses filent là que Dieu a choisi. Et ça qui dit comme bonayote. Pour accomplir son dessein. Oui, t'as qu'on qui s'en bonayote. Alors, sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien d'impur. Dieu a dit que vous accueillerez. Moi, je serai pour vous un père. Et je serai pour vous. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Et Dieu s'identifie en parlant comme ça. C'est le Seigneur Tout-Puissant. Quand je vous l'ai dit là, il n'y a rien qui m'empêcherait de le faire. Alors, comme Paul, il n'avait pas honte de l'évangile. Il n'avait pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de qui est en moi. Avec un tel passé, quand on arrivait à l'appeler frère, il considérait que c'est une valorisation de sa classe. Il était dans sa classe, comme, dans sa génération, comme un paria, un intouchable, quelqu'un dont on doit s'éloigner. Alors, quand quelqu'un arrive à l'appeler frère Branham, je suis quand même frère pour quelqu'un. Peut-être toi, ça ne te dit pas. Tu as fait le frère, mais au Sakanango, tu fais de n'importe quoi. Tu mens comme tu respires. Tu mens un frère qui ment. Il vit dans la fraude. C'est honteux. Sonny Bongo. Oui, frère Branham. Ndoko Branham. Et plus on l'appelait comme ça, plus ça l'encourageait à vivre selon l'évangile. Pour mériter ce titre. Mais avec beaucoup de reconnaissance. Et comme Dieu est riche en consolation. Il n'a pas tout limité que sous le soleil ici. Branham, en grandissant, il avait une question, une préoccupation. Aucune théologie n'arrivait à résoudre. Il demandait, mais quand on va mourir, qu'est-ce qu'on deviendra? Et les idées les plus noires qui traversaient son esprit, c'est qu'il avait entendu quelque part les gens raconter, c'est que vous mourrez, vous deviendrez une ombre qui flotte à l'infini. Et Branham avait tellement peur de devenir ça. Il avait tellement peur de mourir. Alors, pour moi, tel que je vis là, quand je meurs, je vais devenir une ombre qui flotte. Donc moi, je vais devenir ça. Si c'est pour devenir ça, je refuse de mourir. Et il avait tellement peur de la mort. Alors un jour qu'il dormait, Dieu riche en consolation. Il le sort de son corps. Il a vu son corps étalé sur le lit. Il a mis les mains sous la tête comme ça. Il est allé au plafond. Il a vu le corps sur le lit. Quelque chose d'autre sort de ce corps. Et regarde, c'est toujours là. Mais dans dans la jeunesse. Kachamimoni, Azongi Elenge. Oh, il dit quoi? Il commence à monter. Il regarde en bas. Le corps d'or. Lui, il est comme au niveau du plafond. Il n'est pas commis. Oh, mais j'ai dit que vous. Eh oui. Il monte encore. Il dépasse le niveau du plafond. À l'équipe des mais il regarde toujours notre corps. Son propre corps. Mais ici aussi, il est dans un corps. Yeah, ah ouais, dans un dis, mais c'est quoi ça? Où est le est-ce que c'est l'extase? Est-ce que c'est une vision? Il monte, il monte. Abouti, abouti. Après, il perd de vue ce corps-là. Et la voix qui lui a toujours parlé commence à lui montrer autre chose. C'est l'ange. Il l'amène visiter la cité de félicité éternelle. Le lieu de repos de mon enfant. Vous avez une foule nombreuse des hommes et des femmes. Alors, il demande à l'ange qui l'accompagne. Qui sont tous ici? Sont-ils de Branham? Donc de la famille Branham? L'ange lui dit non. Moi je l'ai habité. Ce sont des convertis. Et ça dit tous ici. Ce sont des convertis. Les voilà, ils sont ici. Alors, où est Paul? Non, tu ne peux pas les voir. Où est Pierre? Tu ne peux pas les voir. Il dit, regarde cette fille ici. Il lui dit, quand il avait converti à Christ, tango. Il avait 84 ans. Oh, mais c'est une jeune fille. Justement, c'est comme ça ici. On revient à la jeunesse. Et maintenant, ceux-là ont commencé à venir quand ils l'ont vu. Chacun de venir. Notre précieux frère Branham. Non seulement frère. Mais précieux frère. Plus que sous le soleil. Pour le cas, pour la scène, oui, il voulait être appelé frère. Et si quand il voit des gens dans un état merveilleux, glorieux. Branham dit, quand il ouvre les dents pour sourire, les dents étaient d'une telle blancheur qu'il n'y a aucune patte d'entreprise sur terre ici pour rendre aux dents une telle blancheur. Alors, bah, qu'est-ce que nous pembe éclatant et allié tissimo koyami et tout ce qui est à ce que le pembe pembe attaque le ton de mon patam de mon côté toutes les dents très propre clair la mini nous se pembe pembe la bout de leurs yeux pembe sur la bango il dit mais il voit très loin ses yeux bah ça lui comment la musique a bien sangu et les sœurs bande quoi basi avaient leurs cheveux qui leur tombaient jusque dans les dents et était sous que kiti na mukongo. Leurs cheveux. Ce qui n'a pas bon. Tout ce que dans le Congo. Et les tenues qu'elle savait porter. Ça allait jusqu'au niveau des chevilles. Chevilles. Des soeurs. Plus que ce qui n'a pas bon. Bien couvertes. J'ai pas dit madame. Déchante. Il n'y a pas de pantalon. Et ça pas de mélaïté. Tout. Et puis, était là, presque à la dessous. Non, so, la mais avec des tenues qui arrivent à la cheville. Et il a regardé toutes les sœurs habillées de la même façon, quant à la taille des habits. A taliban de cognon, so, bati, balati, nan, l'a même mini-ship. Et la même cousin, pas un collant. Ouais, n'y a pas de ouais, et là où je vis, j'ai pu penser qu'il en a fait. Chevelure, pas de plantes. Ce qui m'y l'a fait. Pas de perruque là-bas. Et pour l'identité. Pas de boucles d'oreilles. Et puis de l'Ujalef. Pour m'tanner dans mes lits. Net et naturel. Et l'on dit, n'y a pas de maca. Tout est pareil. Toutes les choses qui sont là. Autrement dit, les vrais convertis de son message étaient comme ça. Amen. Non, mais le bah, oh, ben, pas les ramassis des gens qui viennent dans l'assemblée. Mais les convertis de son message. Et ça, la Bible, quoi, ça, ça, y a, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, Le côté à bâton, dans le moral, n'a été tombé. Cassez-vous, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, visage naturel. Peinture merveilleuse. Et c'est pour le bâton. Un corps en état de sainteté parfait. Nous autres, c'est le colombe de et bon. Pas de rides. Et de rien de pareil. Et là, pour le bâton, c'est le meilleur qui ne pas marqué frère Branham. C'est que même les sœurs sont venues lui donner la collade. L'appelant notre précieux frère. Et tout cela lui ont dit, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Si toi tu n'étais pas venu, tu n'étais pas venu. Mais c'est grâce à l'évangile que tu es venu prêcher. Et nous avons gagné une place. Précieux frère Branham. Il l'embrasse. Branham dit, Branham a dit, ça ne crée aucune sensation. Et là, il dit, mais dans ce corps ici, si vous osez faire ça, hein, il y aura toujours un peu quelque chose. Des bizarres dans votre corps. Et c'est pour ça qu'ici, pas question. Mais de l'autre côté, tout ce qu'on a raté ici, là, Dieu nous ramènera. Nous allons nous embrasser. D'amour parfait. On ne pourra pas trop distinguer côté sentimental homme-femme. Un peu comme dit l'écriture de Paul aux Galates, en Christ il n'y a ni homme ni femme. Nous l'expérimenterons mieux là-bas. Ici, il y a toujours des limites et des marges. Sœur, gardez bande na yo. Fille, garde ta bande. Dans son quoi? Quand le Saint-Esprit viendra sur Israël, la Bible dit les hommes à part, les femmes à part. Chacun doit garder sa position. Pas de mélange, pas de confusion. Ayons du respect les uns envers les autres. Pas des ouvertures dangereuses. C'est que nous disons, mais toi je ne sais, tu as le numéro de frères célibataires dans ton téléphone, pourquoi faire? Donc tu n'es pas venu à l'église pour former des camarades? Ah ouais, ils ont dit qu'ils sont. Pour toi, un jeune frère, toujours le numéro WhatsApp d'une sœur, une sœur jeune, pourquoi faire? C'est pourquoi faire, en fait? Vous pouvez faire un mental, tu ne sais jamais trop où solo là. Avec des démons, arrête! C'est ce que nous disons aux sœurs bloquées. Ceux qui se rappellent le rapport, pasteur appelle ça ordre. Tiens une liste noire. Ou à ta frère l'église, tiens une liste noire. Ça, c'est pas un frère sérieux. Ouais, c'est un aventurier. Un... Même chose avec vous, les frères. Hein? Bouillé. Au ministère, gaga, comme il s'est passé maintenant. Tiens une liste noire. Amen. Bomba bandi na yo. Amen. Laisse ta part, comme Dieu a dit. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? Nous devons avoir du caractère chrétien. Amen. Être des frères irréprochables. Pas seulement des frères de Bifouessekele. Trop passoir. Devant les filles, passoir. Sans caractère. Ça, c'est une honte du service divin. Vous voyez, Kao, toi, dans l'église, tu n'as vu son tabernacle de chrétien. Le tabernacle est à Miyini. Non? Non, tu as dit Ndumba. Oh, c'est à vous! Seul! Nous devons honorer ce nom de Christ. Amen. Il y a des choses qu'on ne doit même pas citer parmi nous. Parce qu'on est des chrétiens. Et nous convertis au message de William Branham. Amen. Amen. Amen. Alors, il venait là, notre précieux frère. Et c'était bien. Et maintenant, il a demandé à un moment. Où est Jésus? Alobi, Yesu azali wapi? Dis non, Jésus est plus haut. Alobi, Yesu azali musika. Est-ce que je peux le voir? Na plus comment est? Tu ne peux pas le voir. Azali kikolo kole koki comment est? Donc, le Seigneur l'a amené là seulement pour le consoler et lui montrer les convertis de son ministère. Kolo ameme kiyé ona pana kobo musa yepe kota musa. Ba ol ba bongola kini tema nanzela ya musala na ye. Esika ba kenda kope ma. Gloire à Dieu. Kembo et pas ensemble. Alors, si je ne peux pas le voir, je le verrai quand alors. Non, non, à son retour. Et tu seras jugé. Et si tu gagnes le procès, alors tu entreras. Ah, il demande. Et Paul aussi sera-t-il jugé? Oui. Pierre aussi sera-t-il jugé? L'ange répond, tous les conducteurs seront jugés. Alors, Alobi. Si ceux de Paul entrent, ceux qui ont Paul ba kokota, les miens aussi entrent. Amen. Car j'ai prêché exactement comme Pierre et Paul. Donc on a fait le na Paul. Et toute cette foule de convertis là réplique parce qu'elle a entendu la conversation. Toute cette foule de convaincus se sont écriés d'une seule voix. C'est sûr, c'est là que nous nous reposons. Amen. Non pas que l'évangile de Branham soit un troisième testament ou une nouveauté, non. Mais qu'il a prêché exactement comme Pierre et Paul. C'est ça notre fondement. C'est ce qui nous rassure. Amen. Et dans le fait que ça nous m'a dit, il y a Branham, il y a Branham pour l'année. Boyokani ya misatu to, mubongo ya misatu to. Yezali ne, atayaki pele moko pete nona paolo atayaki. Yango, ne mubongo pewe, nalipa pete miso simbisi. Je vous demanderai une question. La koutou na bino motou. L'apôtre Paul a-t-il prêché Branham Dieu? Maintenant ceux qui prêchent Branham Dieu, ils prêchent quoi? Oh, bazal kote ya Branham ensemble. L'apôtre Pierre, a-t-il prêché Branham Dieu? Thomas pete, l'atayaki se Branham. Même s'il parle avec tant d'audace et des menaces même, plein d'assurance et tout, ils sont sincèrement dans les faux. Ce sont des perdus. Des âmes perdues et plus grave encore, profondément ensorcelées. Mingi ya pasi koleka. Bazali na bunduki koleka. Bazali miele oyo na bunduki baloka bango koleka. Et comme dit frère Branham, les âmes des sorciers sont des âmes déjà perdues. Miele ya bunduki, ezali miele ici la kobunga nango. Miséricorde. Pasi. Miséricorde. Pasi na pasi. Mais pendant que tu en as l'occasion. Le kola nzele pese meli oboyi. Convertis-toi. Bongo la même si tu as 2000 démons comme légion. Une fois biblique. Vous aimez ça? Donc, Père Nam a aimé être appelé un frère. Et nous voyons le contour. Mais nous sommes en train de parler de sa deuxième commission. Avec les deux signes que l'ange lui a donnés. Le premier signe, le signe de la main, c'était un support pour le don de la guérison divine. Et ça, on a accompagné la prière pour les malades. Or, la guérison divine, on a déjà vu ici et rappelé, et généralement une manifestation du Saint-Esprit qui accompagne habituellement le ministère d'évangéliste. Et ça, ce n'est pas réservé uniquement aux évangélistes. Mais Dieu les randonne souvent comme à part. Mais les guérisons divines peuvent aussi opérer dans une personne, homme ou femme, frère ou sœur, qui n'a rien à voir d'être un évangéliste, Mais simplement, il a un don de guérison divine. C'est pour cette raison que dans 1 Corinthiens 12, ils sont distingués des ministères que Dieu a établis. On les distingue. 1 Corinthiens 12, 28, on peut relire. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ce sont des ministères qui dépendent d'un appel au ministère. Et voilà. Mais au lieu de dire quatrièmement, il dit ensuite. C'est-à-dire, ce qui vient à partir de là n'est pas du même niveau que ce qui vient d'être cité avant. Ce n'est pas le même niveau d'ordre. Premièrement les apôtres. Deuxièmement les prophètes. Troisièmement les docteurs. Ensuite, après cet ordre-là qui est l'ordre du ministère de la parole. Ensuite, donc ce qui vient après. Non classé. Ceux qui ont le don de miracle. Oh bazali na makabo ya misanguya. Et puis, pena sima. Ceux qui ont le don de guérir. Bah oh bazali na likabo ya kobikisa. Ou les dons de guérison. Makabo. Makabo ya kobikisa. Les dons de guérison. Makabo ya kobikisa. Guérir. Makabo ya kobikisa. Il y en a de plusieurs variétés. Bazali lolenga na lolenga. Les dons de guérison. Makabo ya kobikisa. Il y en a de plusieurs sortes. Bazali ndenge na ndenge. Mais tous ce sont des dons du Saint-Esprit. Nyoso ezali bebele makabo ya muli musonga. Mais ils viennent après les miracles. Dans la liste. Mais l'ordre de ministère est supérieur. Mais les dons sont supervisés par le ministère de la parole. Il les supervise pour les ramener et les faire opérer selon la parole. Il n'appartient pas à celui qui a l'un de ses dons de venir diriger un ministère. Pour commencer à dire, toi tu dois faire ceci. Toi, c'est comme l'autre jour là, un pasteur qui avait tabassé sa femme. Dans une église, ici à Kinshasa. Je ne cite pas le nom. Une assemblée soi-disant du message. Le Etonga a tabassé sa femme. Etonga oh, va le venir tu vas sanguin. Moi ça peut se gagner Kanda. Oh, moi ça peut se gagner. Qui est le gola babeta kambunda? Abeti moi c'est le gola mbunda. Tu crois une église? Alingate ya dimanche matin. Alingate ya. Soit dit ça onction moko là tu mona moko na kati église kuna. Onction là tu mona moko. Toi, tu es indigne de prendre la chair. Allez, mets-toi à genoux. Obongite pozo ya etelo. Et le pasteur aussi s'est mis à genoux. Mets les mains à l'aise. C'est la punition que Dieu te donne. Tu ne vas pas presser aujourd'hui. Et le pasteur est à genoux jusqu'à 16h. C'est dimanche. C'est une chose qui s'est faite. Eux-mêmes ont témoigné librement, ne sachant pas qu'on nous donne la matière. Donc, pour lui, il va dire que le Saint-Esprit. Ah bon? C'est ah, quel évangile finalement. Ils allons parler librement. Au Kuna, Saint-Esprit a blagagaté. A péché pasteur punition. Pasteur a fougami. Puis César des dons, Moussous et Koloba, c'est quoi le téléma. Non, pour va désigner que Motei Moussous à Teya qui joue loin. Non, frère. Ça, c'est du désordre. Voilà, mon boulot. Les dons qui viennent des cimetières peuvent opérer comme ça. Makabo utagana maïta. Qui opère dans l'esprit de mort. Oui, quand tu le Saint-Esprit d'en haut. Il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu de vérité. L'esprit de la parole. C'est ce que nous aimons. C'est vrai. Oui. Alors, les dons des miracles viennent après. Les dons de guérir aussi viennent. Et les Makabo, dons de secourir. Makabo, et de gouverner nanguya, et de parler Yacobi qui mais qui doivent exercer sous l'encadrement et la supervision des ministres de la parole. Nous sommes en train de faire ça, là. Nous sommes en train de faire ça. Mon âme dit que ces faux fils, les cinq fils de Ephésiens 4, 11, sont là pour superviser les dons. Nous comprenons que nous sommes en train de faire ça. Nous sommes en train de faire ça. Nous sommes en OK. Maintenant, les dons de guérison, comme je disais. Dieu l'a distingué, il l'a dissocié des ministères d'apôtres, des ministères des prophètes, des ministères des docteurs. C'est à part. Vomme à Kaboli Yango, na misala oyo, yabantoma, yabasakoli, yabalakis. Yé makabo yosalina isikanango. Même chose dans Ephésiens 4, 11. On n'a pas cité les dons, on a cité que 5 ministères. Batangi makabo te bobele misala mitano. Donc c'est un ordre à part. Que Dieu garde comme ça pour garder l'église alignée avec la parole. Et nzambe abateli yango bongo pote tikala na kobatela kale lobetikala na molongo na iloba. Mais comme Frère Branham avait entendu dans la vision qui lui a été dit, c'est l'œuvre d'un évangéliste, ceci n'est pas ton tabernacle, le Branham tabernacle qui venait d'inaugurer, au fait, donc qu'il venait de poser la pierre angulaire. Na bongo lokola iloba makina ndeko Branham katina emono na liete. Salamu sala ya mpalanganisi sang malamu, lokola utaki kochaka libanga pona potonga mungomo na Branham balobe. Alors, ce n'est que 12 ans plus tard, en 1946, que l'ange est venu pour les secouer après une zone de silence. Le ministère ne s'entendait pas trop, il ne savait pas quoi faire, il rencontrait beaucoup d'opposition, des inimitiés, et il était pratiquement en berne, au rabais. De 1934 là jusqu'à 1945. Il est passé par beaucoup de preuves. La femme Hop est décédée. Moi, si naï Hop, en 1937. On l'a enterré. On l'a enterré. Oh, miséricorde. Passi. Or, la sœur Meda. Vivant de la sœur Hop. Elle était familière du couple Branham. Mais ça n'a qu'à coïa na libota ou Branham. Et ils étaient habitués. Mais ça n'a qu'à. Avec la famille Brumbak. Na libota ou Brumbak. De notre frère Brumbak. Na ndeko Frère Frank. Frank Brumbak. Ndeko Frank Brumbak. Le père de la sœur Meda. C'était presque un ami de frère Branham. Azala qui le colle à Moninga et de Kobana. Familier de ce couple-là. Bamesana, Pesana, Libota, Oyoya, Branham, na Opa. Maintenant, lorsque la sœur Op est décédée. Tango de Koyamoshi Opa Kufaki. Sœur Meda est venue récupérer le petit Billy Paul. Et comme ils étaient familiers, il en prenait un peu soin. Abanakinde Kobatelaï. Voyez? Mais à un moment donné, Frère Branham a développé des sentiments pour la sœur Meda. Ndeko Branham a bandi ko kamposa ya ndeko ya mwashiwana Meda. Aluka sikwa balaye. Parce qu'elle prenait bien soin de Billy Paul. En l'absence de sa mère. Maman Azali Susu. Sharon Rose est décédé. Sharon Rose a mwana na bango mwasa kufati. Finalement, il voulait l'épouser. Suka linga keta balaye. Comme toujours. Les gens ont récupéré la situation. Donc, la bombe a promis moi si naï pour balayer. Ça a fait alors boule de neige. Et pas l'angani pesa. Donc, la bombe. C'est qu'il y avait déjà une relation. Et Tewana bango, comment le bango malabote, on a déjà même qu'on peut faire. C'est qu'il y avait déjà une relation. Ça pour eux, pas à la Tewana. Le coup la banda quand il met une ligne, il est capable de faire ça. Frère Branham n'en sort, ne s'en sortait plus. Il ne pouvait plus rien ni avancer, ni quoi que ce soit. Et comme dit lui-même, n'eût été l'imposition de Dieu, il n'allait pas l'épouser. Il n'allait pas choper les gens. Tellement, la chose s'est répandue dans l'église, les gens parlaient. Et là, quand les gens parlent. Et quand une occasion pareille, il est rébonné. Et ça a pris beaucoup d'années. Mais il dit, il n'arrivait pas à aimer Sœur Meda comme il devrait l'aimer. Non pas à cause de ce que les gens disaient. Mais à cause de l'amour qu'il avait pour la Sœur Hope. Bien que des années étaient passées, mais hop, vraiment. Alors, il a dit à Sœur Meda à un moment, moi, je suis comme un coup de vent. Je suis comme un clochard. Tant le voyage, je ne pourrais pas être un bon mari pour toi. Alors, Sœur Meda, s'il te plaît, mettons fin à cette idée que je t'avais proposée. Tu peux avoir un meilleur mari que Dieu peut t'envoyer. Avec qui tu vas former le foyer. Sœur Meda a refusé. Il a dit tu es le seul homme. Mais sœur, je ne sais pas. C'est pour moi, je n'ai pas convocaté. Regarde comment je dis d'abord. Je ne saurais pas. Alors, je pars au désert. Il est allé à la chasse. Sœur Meda est allée prier. Pour connaître la volonté de Dieu. Pendant ce temps, cette zone sombre. Elle a tellement prié et a prié. Parce qu'elle était sincère. Elle avait déjà accepté la proposition de. Un veuf. Alors, quand elle a prié, le Seigneur lui a donné un passage biblique. Pour lui rassurer que il lui répond. Et là, il était prière. Savez-vous quel passage? Malachie 4, 5 et 6. Je vous enverrai Élie le prophète. Voilà la réponse de Dieu. Donc, elle prie pour le problème de mariage. Dieu lui répond d'Élie le prophète qui a été promis. Elle s'est fixée. Les voies surnaturelles de Dieu. Ce n'est pas des explications intellectuelles. Branham a erré là, continuellement, être évasif, il ne voulait même pas que la sœur vienne. Même rendre visite à la maison. Sœur Meda a passé une page noire de ça. Et il avait maigri comme ça, comme dit Frère Branham. Branham a regardé pauvre Meda. Il pouvait connaître le genre d'homme que je suis. Il n'allait pas s'y accrocher. Mais, voilà. En 1941, le Seigneur vient maintenant à Frère Branham. Il lui dit, tu l'épouseras. Et ce sera le 23 octobre de cette année. Branham, oui. Branham a kangami. Êtes-vous là? Malgré tout ce que les gens racontaient dans l'église, Dieu a dit, Nzambe a dit, tu l'épouseras le 23 octobre 1941. Il faut plaire à Dieu qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu qu'aux hommes. Le mariage vient de Dieu. Quand lui tranche, toutes les bouches doivent s'éteindre. C'est ainsi que ne débordez pas dans vos commentaires. Vous êtes libre de parler des fois, hein? Mais mettez un peu un frein. Il y a des certaines choses où quand Dieu intervient, que tes paroles ne deviennent pas des blasphèmes. Il faut se réserver. Après tous ces temps, des épreuves difficiles, l'ange est venu le 7 mai 1946. Il donne le premier signe, c'est le premier poule. Le deuxième poule. Le premier signe, guérison divine. Le deuxième signe, discernement. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? Et pendant 14 ans de réveil, de 1946 à 1960, le monde a connu alors un grand réveil de guérison divine. Et Frère Branham fonctionnait entre deux vols d'avion. Il est ici, il est attendu là-bas, il est appelé ici. Il faisait l'œuvre d'un évangéliste. Ses servants lui donnent des guérisons, appelant les gens à revenir à la Bible. Invitant les églises de respecter la Bible. Montrant et répétant aux églises qu'elles doivent respecter la Bible. Êtes-vous là? Et partout où l'invité, il s'est limité au grand principe de l'évangile. Mais les vérités doctrinales, il est réservé au Branham Tabernacle. C'est là qu'il prêchait la doctrine en profondeur. Mais qu'il croyait d'après ce qui lui a été révélé. En 1958, au mois de septembre, il prêche la semence du serpent. Au Branham Tabernacle. Cela a suscité des frustrations terribles. Les pentecôtistes et baptistes qui suivaient les dons de guérison et tout. Beaucoup d'entre eux ont quitté l'église. Il a dévié. Comment dire, semence du serpent. Quel scandale! C'est la vérité révélée. Donc, au-delà du don de guérison, le message commence à devenir dur. Jésus, cette parole est dure. Qui peut le dire? Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? C'était fort. Il a critiqué, taillé en pièces les dénominations. Il avance. Il prêche en 1962, s'est rangé du côté de Jésus-Christ. Et toujours dans la même année, il prêche la parole parlée et la semence originale. Trouble sur trouble. Le plus faible, fuyez. C'est ça. Bongo. Au-delà des signes, il y a un message qui suit. Nassima, il faut être prédestiné pour persévérer. Dieu faisait le camisage. La sélection du groupe. Plusieurs sont partis. À un moment, il a fait d'abord l'ordre de l'église en 1968, au mois d'octobre. Première version. Même les frères Gignon Jackson et les autres. Ah, est-ce que c'est les dons ne peuvent pas se manifester pendant que le prédicateur prêche. Amen. Oh non, il veut étouffer les dons. Voilà l'ignace du mané. Non, dans nos yeux, c'est pas comme ça. La Bible a dit que là où il y a l'esprit, c'est il y a la liberté. On ne peut pas priver la liberté. Bible le bête, et si comme nous encore les alliés, bon sommet. Branham l'air dit, il est écrit là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mais il est aussi écrit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Branham a l'obéna bango était économie solo, et si comme nous en sommes, bon sommet. Économie, il peut les sous-souhaiter, mon libre n'a pas sa colis, et tout sa carte. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Quand le prédicateur prêche la parole du prophète qui est la Bible. Pour les autres prophétiseurs, ceux qui ne pouvaient pas supporter sont partis. Alors les frères de Branham Tabernacle, comme déjà ils me parlaient. Ne dites pas, c'était des blancs, méfiez-vous. Ils ont commencé à faire des calomnies et des critiques. Babandi, les frères là qui ont suivi Génie, ce sont des poules mouillées. C'était ni des poules et des œufs pourris. Ce l'assemblée là. Junior Jackson, le col à Bimaki, la semaine matin, monsieur Sandé Kobranam. Ils ont l'oumba sur le mabé. Frère Branham apprend ça, il vient à la chaîne. Mais j'aurais même souhaité que toute l'assemblée se vide et suive le frère Junior Jackson. Car si elle se vide ici, Dieu remplira encore. Vous voyez, quand on est sur les son Dieu, on ne panique pas devant les sorties des gens. On ne devient pas faux pasteur parce que les gens sont partis. Le ministère de Dieu qui l'établit. Si même tout le monde parle, mais il part. Où sont les gens qui partent là-bas? Ce sont des faucons. Repassez-vous. Vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien. Vous pouvez taxer vos frères comme ça. Tout ce que je vous ai prêché, c'est pour avoir ce comportement. Il est blâmé. Frères, soyez des chrétiens exemplaires. La vie chrétienne ne suffit pas de les dire, il faut les vivre. Amen. Maintenant, regardez. Dans Frère Branham, Dieu a mis deux signes. Et le premier signe a soutenu l'œuvre d'un évangéliste alors que Dieu n'avait pas fait de lui un évangéliste. Mais le deuxième signe devait identifier quel ministère. Le discernement qui lui a été commis. Quel ministère devait-il identifier? Sommes-nous là? Est-ce que nous sommes là? Que Dieu nous aide ici. J'aimerais que vraiment Dieu nous aide. Dans sa grâce qu'il nous aide. Oh, le premier signe, c'était la guérison divine. On pour supporter l'ordre de faire l'œuvre d'un évangéliste. Mais Dieu n'avait pas fait de lui un évangéliste. Il a fait de lui un prophète. Parce que Dieu ne l'a jamais comparé à un évangéliste dans aucune de ses commissions. Mais il lui a montré simplement ce que lui devait être. Vers l'œuvre d'un évangéliste. Et ça, nous aimons tellement. Voyez ça? Dans les principes de la guérison divine. Prêchez le 23 septembre 1931. Nous lisons ceci, paragraphe 3. Mon œuvre pour le Seigneur, ça a été d'évangéliser. Il dit, et peut-être pas une affirmation absolue, et peut-être que ça le restera jusqu'à ce qu'il me rappelle à la maison. Là nous sommes 5 ans après le début du réveil de guérison divine. 1951. Simana bola muki oye bandaki na mobo ya tuku. Mon œuvre pour le Seigneur. Musala na ngai pona nkolo. A été d'évangéliser. Isala kinde para ko palanga nsa sango. Et peut-être que ça le sera. Ekoteka la bango. Jusqu'à ce qu'il me rappelle à la maison. Kinete akobenga ngai na ndaku. Eh bien, j'aimerais demander combien parmi vous ici prieront pour moi pendant que je serai parti là où je pourrais juste entendre de vos nouvelles. Nakotuna awa. Boni boni katina bino bako bonde la pona ngai tangu na kokende. Isika ngai na koyoka tako sango na bino. Et ce serait vraiment magnifique. Iko sala malamu mingi. Merci beaucoup. Na to divine. Je vous lève les doigts. J'apprécie ça. On dirait qu'il m'incombe maintenant d'aller auprès des tribus. Et pe seri ngai mukumba sasa ipete na kenda na mabosa. Là, en Afrique du Sud. Kuna na Afrika na ngere. Et les missionnaires. Et les autres là-bas. J'espère que ce sera une grande bénédiction pour plusieurs. Son œuvre était quoi? D'évangéliser. Et quand il parle d'évangéliser, c'est en accord avec le premier signe, la guérison divine. Comme un appât pour attraper les âmes, afin qu'elles écoutent l'évangile qui suivrait. La bongo tango zali ko bana ko palangala sango ezala kinde ko talela ka olo elemo ya liboso ipesa mele kiye pona ko bikisa mananzo te oyo ezala ki lokola pambu oyo ko benda ka batu na sima ete ba yamba ne sango malamu ikote yamba. Alors 11 ans après ça. Libuza mina mako na sima. Le 30 décembre 1962. Na mubu ya tu na mukolo ya tukubi sato sans anzo mina mibale mubu ya mkoto mkoto. Dans le sermon, messieurs, est-ce le signe de la fin? Na liteya, mubale oyo, yangonde elemo na suka. Prêché le 30 décembre 1962. Vous souvenez-vous du premier? Le premier jour, quand, lorsque nous avons posé cette pierre angulaire, fait l'œuvre d'un évangéliste. A-t-il dit, suivez. Il n'a pas dit, tu es un évangéliste. C'est clair? Se rappelle-t-il clair? Et ne peut pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Alors, gardons l'ordre tel qu'il a été prononcé. Comprenons-le et décrivons-le comme Dieu l'a dit. Il n'a pas dit, tu es un évangéliste. Mais faisons-le. Commentaire. Peut-être jusqu'à ce que le temps vienne pour quelque chose d'autre. Pour un autre changement de travail. Cela peut être autre chose. Je ne sais pas. Et ça, c'est dans Monsieur Hessler. Dans cette prédication qu'il a prêché Monsieur Hessler. Monsieur Hessler, signe de la fin. Prêché le 30 décembre 1962. Ça correspondait à une semaine de la vision, une nouvelle vision qu'il avait reçue, qui lui avait presque coupé le souffle. La vision du 22 décembre 1962. C'était la vision de la constellation d'anges sous forme pyramidale. Il a vu ses anges venir et il y a eu une forte détonation. Une déflagration. On dirait que la terre avait explosé. C'est tout ce dont il s'est souvenu. Il a vu les anges qu'il a identifiés. Aux ailes pointues. Or quand il s'agit des anges aux ailes pointues, vous comprenez quels genre d'anges sont venus le visiter. Ceux qui m'ont dit les angéliques qui sont venus là, dans cette vision, avaient des ailes. Les anges ordinaires n'ont pas d'ailes. Hein? Les ceux-là de la vision avaient des ailes. Na bongo soki elobami na emono na liango te bangelu oyo bayaki kozwama na ye bazalaki na mapapu na bongo bokoyebe te bazali nde bangelu ya lolenge nini po te bangelu oyo nyonso ya pamba oyo nyonso ndenge bazalaka bazalaka na mapapu te. Et il y a trois semaines qu'on en a parlé ici, n'est-ce pas? Il n'est pas sur le tableau. Une petite illustration. Pour montrer qu'il n'y a que des séraphins et des chérubins qui ont des ailes. Pour la totalité, dans le langage, il y a un ange. Et là, tu peux dire, mais les séraphins sont en accord avec l'autel. Mais ils étaient situés là, au-dessus de Dieu. Chérubins. Ce sont des chérubins en mouvement. Qui volent d'un lieu à un autre. Mais tandis que les chérubins, tout court, nous l'avons dit, ils étaient en relation avec le trône de Dieu. Et notre Dieu était assis sur les chérubins, dit la Bible. La vision des cris des êtres angéliques ayant des ailes. C'est que quelque chose est entré au trône même de Dieu doit s'opérer. Et le 28 février 1963, la vision du 22 décembre 1962 s'est littéralement accomplie sur terre. Et dans la prédication, le septième saut, le Branham raconte ça. Ça ressemble à des histoires à dormir debout. Hein. Il vous parle de la chasse là-bas. Il y avait des épines qui étaient attachées au pantalon. Vous pensez que c'est des choses qui vous distraient. Et pourtant, il y a des vérités qui viennent derrière. À un moment donné, pendant qu'il était là-bas, dans les Tucson, dans le désert là-bas, en Arizona, il avait venu des petits oiseaux, d'une petite taille, qui volaient, et puis ils sont passés. Et il dit, ça c'était le premier poule. Oh. Les petits oiseaux là qu'il a vu. Que la grande chose de ses produits. Il a vu des petits oiseaux qui volaient en groupe là. Sont passés. Ça c'était le premier poule. Vous avez le septième son, vous pouvez lire, non? Vous verrez que je ne vante rien là. Je ne fais que commenter des choses qui sont là. Après, il a vu des oiseaux d'une taille un peu plus grande. Qui venaient. Mais leur vitesse était un peu supérieure à ceux du premier groupe d'oiseaux. Mais qui ils sont aussi passés. Le Branham dit, ça c'était deuxième poule. Le Branham le poule de son ministère. Il y a l'automoyo. Après un temps, la semaine tango. Il voit au loin. C'est comme des pointes. Le corps va sanguer mon cowboy. Mais c'était des oiseaux plus grands. Ils ont dit ben des terminés les collègues. Alors ce qu'ils lui appelaient comme des oiseaux. Oui, la bande comme on l'appelle bande qui. Eh, ce n'étaient pas les oiseaux. Ils ont dit ben des quêtes. Le troisième groupe qui arrive. C'était les anges eux-mêmes. Mais leur vitesse était plus supérieure que celle du deuxième. Juste le temps de les voir pousser à l'horizon là-bas. En un clin d'œil, il entendait un bruit autour de lui. C'est le troisième pôle. Les chérubins sont là. Ils l'ont entouré. Imaginez maintenant, Banza. Ils étaient à 7. Banza. Il les a vus de gauche à droite. 1, 2, 3, jusqu'au 7e. Il regarde le 7e ange. Il dit que celui-là, il semblait détenir un message particulier pour moi. Et son aspect était plus particulier. Et son regard dirigé vers lui. Mais il ne disait rien. Mais c'est comme s'il avait quelque chose de particulier à lui confier. Mais Juste au moment où l'observer, regardez là. C'est alors qu'il y a eu un tremblement de terre. Une détonation. On dirait qu'un avion a explosé. Toute la terre a tremblé. Les sept anges ont pris l'envol. Sans rien lui dire, hein. Ils l'ont juste visité. Il avait dit une, deux semaines avant. Tu recevras la visite de cet ange. Consacre-toi. Alors. Ils ont pris l'envol, ils retournent. Ils l'ont emporté avec lui. Vous, brother, qui m'a béni. Accueille. Emportez-vous, partez là-bas. Après, on l'a ramené au sol. Voilà la chose qui lui avait presque coupé les souffles dans la vision. T'as le qu'il est mort. Or, quand il retourne comme ça sur terre, un nuage s'est formé là-haut. Il partait haut de 48 km. Largeur 42 km. Pour vous représenter, c'est comme quitter ici Kinshasa jusqu'à Kasango le territoire. Découvrir l'eau la notion cité verte dans Kati Matana. Mitendi. Boleki. Tikasangul. 42 km. Bat kilomètre. Batali Kolo 48. Namulaï, Tukumina Namambi. Oh, de 48 km. Moulaï a tout combien dans mon bureau là-bas. On a dit Koro Koleka. Là où les nuages de pluie ne peuvent pas se former. N'a pas kilomètre tout combien dans mon bureau. Ma pâté est coquille au salé maté. Chers amis. Beningalangaï. À l'intérieur de ça, il y avait quelqu'un. La pâté est pâté en gros, tout beaucoup à Zalaki. C'est lui dont les chérubins protègent le trône. Oh, yo, ma pâté est le bâtiment qui battait la mouende. Quand ils étaient sur terre, quelqu'un là n'était pas là. Il n'a vu que sept anges. Mais quand ils sont allés là-bas, il y a quelqu'un qui les a rejoints. Et qui a montré son visage. Regardant la terre, avec les yeux comme une flamme de feu. Une grande masse de lumière sortant de ses regards. La science en a pris des photos. Il se demandait qu'est-ce que c'est. Branham lui-même ne savait pas quoi. Il se souvient que c'est la période où il était là-bas. Et que les anges étaient venus selon la vision. Alors, quand la photo est sortie plus tard, après l'ouverture des sceaux, c'est au mois de mai que les journaux Life et Magazine ont été publiés. Oh, journal, oh, presque trois mois après. Mais les sept sceaux étaient déjà prêchés dans l'intermédiaire. Comment ça? Quand Branham était ramené sur terre, une voix est venue d'en haut. Ordonnant, retourne à Jeffersonville. C'est là où les sept sceaux seront remis. Fini. Et si? Au mois de mars, non, il s'est passé des choses, ça a pris les images, mais on n'a pas publié. Et le message s'est prêché dans la discrétion. Et mois après ça, c'est alors que les journaux commencent à en parler. Et le Seigneur envoie son ange à Abraham pour lui expliquer l'image parce qu'il a reçu la copie du journal. Il lui a dit, fais un quart de tour à droite. Balula, na moko ya minei, na loboko ya mobali. Balula yango, abaloli. Il dit, il commence à lui expliquer. Regarde là, talawana. Ce sont les yeux. Ni ce zaliao. Hein? Puis après, si c'est sur le nez. Oh, yo, zolo. En bas là, c'est la barbe. Oh, yo, nasuka, nesama, mandef. Regarde là-bas les cheveux. Tala mutuana. Mais regarde autour de sa tête. Tala zina zina mutuna ye. Si ce sont les ailes des anges. Les ailes de ma papou yaba ange. Il t'avait visité. Oh, yo, nesama kana yo. Il se souvient. Ayoko banza. Et maintenant, il essaye de reconfigurer autour de cette nuée là. Il voit l'emplacement des anges. Il dit exactement. Le cinquième était au sommet comme ça. Et le septième en bas comme ceci. Et puis il fait à partir des ailes la position de chacun d'eux. Il s'est même expliqué la duée. D'ailleurs, que ce soit la commune, il y a mis tant de choses à la guinée dans le colo. yasambo na suka wana mupanzi nde abandinde kolimbo lepe kupesa batu nenga maka mongo ezali pwese avanzeleki yango malamu nenga ezalaki. Oh, il dit tout cela dans la prédication où il décrit la vision. Rappelant qu'en 1934, à la pose de la pierre angulaire, il lui avait été dit de faire l'œuvre d'un évangéliste, mais Dieu n'avait pas dit « tu es un évangéliste ». Nkoto moko kama libwa tukumisato na mine yete tangbatia kilibanga ya libwa soya kubanda kutonga kama mtepelo na bangoba nzambe alabaki na yete wasala musala ya mpalangu sango kati wazali mpalangu sango et son commentaire presque jusqu'à ce que le temps vienne pour quelque chose d'autre mbala msusu kilete tangu eya pona yoko msusu pour un autre changement du travail wana kubongo makalishistu ya musala. Cela peut être autre chose, je ne sais pas. Yangope, koki, vous allez le koussou, naïf. Avant que les choses ne s'accomplissent. Du bon, c'était le koussou. Et Dieu n'a pas tardé. Nzambe a omissité. Quelques semaines après. La semaine à moi, pousse. Parce que dès moi, je dirais. La chose s'est accomplie. Et le koussou, comme nous venons de décrire. Le koussou, le bel air. Donc le ministère avait changé. Et c'est le temps, moi, et bon, moi, c'est vous là. Vous allez là, non? Maintenant, essayons de voir en 1960. Ce qu'il disait là à ce sujet.